7A. Salut, moi c'est Ali et je suis de Beyrouth. Bonjour, je m'appelle Gloria et je suis née à Brasilia. Hallo, comme on dit chez moi, je m'appelle Barbara et j'habite à Berlin. Salut à tous, moi c'est Agustin, j'arrive de Barcelone, je suis